Bref, à quelque temps de là, j'avais, à la sortie de l'école, rencontré un homme qui était venu à ma hauteur, m'avait regardé, s'était arrêté au bord du trottoir, m'avait regardé, avait l'air de penser, de réfléchir. Mais c'était moi qui le regardais. J'étais avec un autre, mais c'était moi qui l'avais fixé. Je m'étais retourné deux, trois pas après. Mon petit copain ne s'était pas retourné. L'homme qui m'avait suivi m'avait souri. Je n'avais pas envie, moi, de lui renvoyer son sourire. J'avais continué encore à marcher, puis 10 ou 15 mètres plus loin, je m'étais arrêté, retourné, et j'avais regardé. Et l'homme n'était plus au même endroit, mais de loin, à quelques 10 pas, il me suivait. J'avais envie, sur le moment, de dire à mon petit copain, tu viens avec moi jusqu'à la maison, tu m'accompagnes. Et puis, j'ai choisi la position tout à fait opposée. Je lui ai dit, bon, bah, tu rentres, j'ai quelque chose à faire. J'ai oublié, il faut que je revienne. Et le petit copain est rentré tout seul. J'ai fait demi-tour et je suis venu au-devant de l'homme, qui, à son tour, a fait un demi-tour et s'est trouvé à marcher devant moi, mais à ralentir tout doucement les pas. Et moi, pour ne pas ralentir les miens, je me suis trouvé rapidement à sa hauteur. Et je l'ai à mon tour regardé par en dessous. Il avait peut-être 40 ans. Il était vieux pour moi. Il avait une petite calvitie. Il avait le teint foncé, comme quelqu'un qui serait resté au bord de la Seine pendant un long moment à la pêche, comme mon père quand il allait pêcher, et qui revenait bronzé, basané. Il était mieux habillé que les gens du quartier. Il avait des chaussures jaunes, un peu couleur de miel. Je m'attendais à ce qu'elles craquent, mais elles ne craquaient pas. Elles étaient extrêmement souples. J'essayais de prendre le même pas que lui. Lui qui n'avait pas des grands pas, lui qui n'était pas très grand, qui était grand comme mon père. J'étais à 1 mètre de lui, mais sur la même ligne. Et sans me regarder, tout en marchant, l'homme a dit, est-ce que tu es le petit de Jeannette? Et je lui ai dit, oui, vous la connaissez. Et il m'a dit, oui, je l'ai beaucoup connue. Est-ce que tu serais d'accord pour que l'on rentre tous les deux? Qu'on parle un peu tous les deux. Tu veux me donner des nouvelles de ta mère? Qui êtes-vous? Oh, ça ne te dira rien. Tu n'as jamais entendu parler de moi. J'ai connu ta maman il y a très longtemps. Elle est en bonne santé? Oui. Elle n'a jamais de problème avec la toux. Elle a toussé beaucoup. Ah ouais, elle tousse encore. Ça lui arrive. Surtout quand on s'approche de l'hiver. Elle travaille toujours sur les marchés? Non, plus maintenant. Elle a travaillé, je l'ai aidée. Maintenant, elle travaille, elle fait des ménages. Et ton père? Mon père, il travaille chez Renault. Et ça va bien, vous êtes dans un appartement. Ah, là, j'ai buté. Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis ce que je sais, ce que je vois, ou je fais comme ma mère, je ne lui dis pas, je lui dis autre chose. Ah, c'était la première application que je trouvais à ce que ma mère essayait de me faire avaler. J'ai pas répondu. Je t'ai posé une question, m'a-t-il dit. Avant, ils habitaient sur la chaussée. Il fallait descendre pour aller chez eux. Hein? Tu n'as pas connu ça, toi, si maintenant tu es dans un appartement. Oh, j'étais sur le point de mentir. J'avais envie de mentir. Elle avait raison. On ne pouvait pas dire ça. Alors j'ai dit, ah non, non, je sais pas de quoi vous parlez. Ah, vous n'êtes plus au 5 alors. Ah non. Ah, tu vois. Bah, c'est bien. Ça me démangeait de lui demander comment c'était au 5. Il m'a dit, mais alors toi, tu rentres chez toi à midi, tu reviens tout à l'heure à l'école, puis tu rentreras vers 4h30. Et quand tu rentres à la maison, il y a la maman. Elle a préparé le café pour 4 heures. Et puis à midi, elle a préparé le repas. Puisque tu me dis que ta maman, elle fait des ménages, elle ne fait pas des ménages à midi. Non, non, elle est là, ma maman, oui. Et puis ton père, il rentre le soir. Il ne rentre pas à midi. Si, si. Il travaille chez Renault. Oui. Il y va comment ? Il y va à bicyclette ? Ah, c'est bien ça, il a une bicyclette. Et quand il vient en bicyclette le midi ou le soir, il la met où la bicyclette ? Ben, il la met dans la cour. Ah, il met la bicyclette dans la cour et puis il va manger. Il rentre dans la maison, à la cave, et puis quand il a fini le repas, il sort de la cave, il prend sa bicyclette et il rentre. Oui, c'est ça. Hein ? Je me suis rendu compte que je venais de dire, oui, c'est ça, c'est la cave. J'ai dit, enfin, c'est ça. Il passe par la cave, il passe par derrière. Il y a deux entrées dans la maison. Il y a une entrée sur la rue, et puis il y a une entrée derrière, sur un autre passage. Alors, il ne peut pas laisser la bicyclette dans le vestibule. Les locataires, ils se foutraient dedans. Alors, il passe par derrière, il met la bicyclette dans la cour, il arrive là, aux escaliers de la cave, et puis il monte jusque chez nous. Oui. Mais je te pose une question. Le cabinet, chez vous, il est dans l'appartement ou il est sur le palier ? Le cabinet ? Ah oui, le cabinet, pour faire pipi. Bon, il est... Et je ne savais plus quoi dire. Je savais que chez Fargin, le cabinet était dans l'appartement, que dans toute la maison, ils étaient dans l'appartement. Mais aux chambres de bonne tout en haut, les chiottes étaient sur le palier. Et nous, en bas, pour le concierge et pour celui qui habitait la cave, les chiottes étaient dans la cave, avec une petite ampoule. Mais est-ce que dans les appartements qu'habitaient mes copains, c'était comme dans les appartements de Fargin, ou de Mire, ou de Moritz, ou de Pernaud ? J'étais incapable de le dire, je n'y étais jamais allé. Il m'avait tendu un piège. Je le regardais et je lui dis, maintenant, faut me laisser, je veux rentrer chez moi. Alors là, il m'a pris le bras et il m'a dit, tu diras à ta mère que tu as parlé avec un monsieur. Et puis, si tu veux, demain, eh ben, je serai encore là. Et tu me diras qu'est-ce que ta mère a dit. Non, je ne le dirai pas à ma mère. Oh, tu n'as pas à avoir peur. Tu peux dire à ta mère, il y avait un monsieur qui marchait dans la rue de Sèvres. Il a marché avec moi. On a parlé. Et il m'a dit qu'il me reverrait demain. Mais ma mère me dira, qui est le monsieur ? Qui est le monsieur ? Tu lui diras... Ah, tu vas voir, c'est facile pour s'en rappeler. Tu as déjà lu des livres pour les enfants, avec des légendes. Tu as déjà entendu parler du roi Artus. Je cherchais et je n'avais jamais entendu parler du roi Artus. je ne trouvais pas de roi Artus dans mon histoire de France. Mais lui continuait, tu lui diras, j'ai rencontré Artus. Vous n'êtes pas le roi? Non. Je te dis, je te donne un exemple. C'est facile pour retenir le nom. Tu as lu dans tes livres sans doute l'histoire du roi Artus. Et pour t'en souvenir, tu diras, j'ai rencontré monsieur Artus. Tu verras ce qu'elle te dit ou ce qu'elle fait. Et demain, quand je reviendrai dans la rue de Sèvres, tu me diras ce qu'elle a dit. Est-ce qu'on est d'accord? Je suis parti, j'ai pas répondu. En arrivant à la maison, là j'avais une histoire à raconter à ma mère, si je le voulais, et si cette histoire-là n'était pas une histoire soit invraisemblable, soit scabreuse. J'étais démangé par le désir de tout raconter. Histoire de dire à ma mère, là je te ramène quelque chose de bien, tu vas voir. C'est une vraie aventure. J'ai rencontré le roi Artus. J'avais bien construit ma phrase. Ma mère n'était pas là quand je suis rentré. J'ai passé, jusqu'à ce qu'elle revienne, les heures à répéter. J'ai une belle histoire à te raconter. Tu verras. Là, il n'y en a pas beaucoup qui t'ont raconté ça. Et je n'ai pas raconté d'histoire à ma mère quand elle est revenue. J'ai été saisi quand elle est entrée dans la pièce d'une chaleur dans tout le corps, au visage et dans tout le corps, que moins d'une heure après, je tremblais de chaud et de froid, je suais légèrement, et que ma mère affolée, m'ayant pris la température, je crois constatait que j'avais près de 40 de fièvre. Le petit était malade, disait-elle, elle voulait aller chercher le médecin, et j'étais sûr qu'il ne fallait pas aller chercher le médecin. Que si j'avais dit à ma mère, j'ai rencontré le roi Artus, ma fièvre aurait descendu. Je gardais pour moi quelque chose que je ne devais pas garder. Mais quelque chose me retenait pour le dire, et qui faisait tout le problème. Je me souviens très bien, ma mère m'ayant amené un grand bol d'eau chaude avec un peu de citron dedans, lui avoir dit « Tu te rappelles, toi, de l'histoire de France ?» Et ma mère m'avoir répondu « Mais je n'ai pas beaucoup lu l'histoire de France, je connais l'histoire d'Italie. » « Oui, mais dans l'histoire de France, tu connais tous les rois ?»« Oh, j'en connais un certain nombre, oui, puis des empereurs. » Bon, bah alors, tu me dis ce que tu connais. Écoute, on verra ça demain. Pour le moment, tu es fatigué. Pourquoi poses-tu une question comme ça? Non, mais je te le demande. Donne-moi le nom de 10 rois que tu connais. Alors, ma mère commença. Elle énuméra les 2 ou 3 premiers qui lui venaient. Le roi Charlemagne, le roi Louis XIV, le roi Louis XVI. Bon, après, elle avait trouvé la combine. Le roi Louis XIII, Louis XII, Louis XI. J'ai dit non, non. D'autres rois que ça, parce que les Louis, ça, tu vas les trouver, tous les 10. D'autres rois. Et elle n'en trouva pas. Je trouva un empereur ici, un cardinal, là. Et elle me dit, et toi, tu m'en donnes un. Auquel tu penses? J'ai été tout à fait au bord de la falaise, tout à fait sur le point de tomber, d'aller dans le noir à mon tour, de m'allonger, de raconter ce que j'appelais déjà mon voyage avec cet homme. J'essayais de m'en faire mentalement un compte-rendu qui pourrait ne laisser place à aucun regret. Je souhaitais que le lendemain, n'ayant plus de fièvre, je retourne à l'école et je recroise cet homme. Le lendemain, j'avais encore de la fièvre. Ma mère n'alla pas travailler. Et je ne le revis jamais. Mais comme j'avais senti quelque chose, je ne pus pas m'empêcher de dire et de demander à ma grand-mère, « Toi, tu connais pas les rois de France ?»« Non, » dit-elle. « Si je te dis le nom d'un roi de France, même si tu ne l'as pas vraiment connu, Si ça te rappelle quelque chose, qu'est-ce que tu diras? Ben, je te dirai que ça me rappelle quelque chose. Si je te dis le roi Artus, la grand-mère, qui était déjà presque aveugle, laissa passer dans ses yeux une flamme, certainement pas, mais quelque chose de brillant, comme si on avait fait lentement parcourir une bougie à la hauteur de son front. Et puis ça se calma, la flamme s'éteignit tout doucement. Et elle me dit, ah non, je ne connais pas le roi. Non, le roi Artus. Non, j'en ai jamais entendu parler. Et Artus tout court, tu n'en as jamais entendu parler. Artus tout court. Non, je ne crois pas, dit-elle, de façon tout à fait rêveuse et comme si elle était blessée. Puis, se ressaisissant, elle me dit, vois-tu, je vais te demander quelque chose. Nous allons, si tu es d'accord, dès que tu seras mieux, et tu seras mieux, je fais des prières pour ça, nous allons aller remercier Sainte Thérèse. Parce que Sainte Thérèse, elle est en train de faire descendre ta fièvre. Je lui ai demandé et je le sens. Et elle me palpait le poignet. Et elle disait, oui, tu en as beaucoup moins maintenant. Et nous la remercierons.